mère est mon berceau. C'est elle qui m'a nourri. Je suis né dans les flots. La mer m'a donné vie. Elle a fait mon berceau. Mon petit lit d'écume. Aux délicates plumes. D'un ciel ivre d'oiseaux. Dans l'océan nuptial, j'ai connu mon aimé, j'ai fondé mon foyer, dans la mer initiale. Sous des bancs de poissons, j'ai prêté mon serment au fond de l'océan. J'ai marié ma sirène sur le dos d'un dauphin, porté comme une reine. Et le joli dauphin, la robe d'écume blanche de la belle mariée, viennent chaque dimanche pour troubler les marées. Baigne mes enfants comme une eau de baptême qui offre ses courants. La mer est la marraine de leurs jeux innocents. Au milieu des murènes, la mer est de mon sang. Pour mon dernier voyage, elle fera son ouvrage. Jamais mon corps mourant n'ira au cormoran. La mer est mon berceau, c'est elle qui m'a nourri. Je suis né dans les flots, la mer m'a donné vie.